Exercice 4, page 44. Créer, peigner, laisser, aider. Lever, peser, jeter, geler. Remercier, regretter, rechercher, recréer. Relever, rejeter, revenez. Retenez. Épeler, élever, dégeler, déceler.